Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je pense qu'on va changer de méthodologie sur Internet. Moi, personnellement, je vais revoir ma façon de faire. Je vais m'éloigner de toute fitna et de tout débat inutile. Parce que franchement, ça prend beaucoup d'énergie, c'est agaçant, c'est énervant. Et je crois qu'on va pas s'en sortir de cette façon-là. Moi, si je fais, si je suis sur Internet, c'est pour apprendre beaucoup de choses, pour partager, pour échanger, pour avancer. Et depuis quelques mois, il y a beaucoup de débats, beaucoup de fitna, beaucoup de choses qui me plaisent pas. Je suis pas là pour ça et ça m'intéresse pas du tout. Donc, je vais m'en éloigner petit à petit de toutes ces fitna. Je ne vais plus du tout rentrer en confrontation. Chacun, c'est malheureux, c'est ni de ma faute ni de la faute des gens, c'est pas de notre faute, c'est on subit un peu le complot qui se joue contre l'islam, donc on n'a pas de structure, on n'a pas de structure institutionnelle, de savants, d'organismes qui peuvent gérer la science et la transmettre de façon uniforme. Et surtout une science authentique, donc chacun est obligé de se débrouiller de sa propre façon, et chacun est un espèce de autodidacte en religion, donc chacun a sa propre expérience. On a des dizaines de milliers d'expériences différentes, des dizaines de milliers de références différentes, de déclics et de compréhension. On n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous le temps de l'expliquer. Donc moi personnellement ça me fatigue de plus en plus. Je ne trouve pas de solution à tout ça. Donc je vais m'écarter petit à petit de tout ce qui est fitna et grand débat. Et je verrai à l'avenir si je ne vais pas enlever certaines personnes de ma liste. C'est rien de grave. Hein. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Ce n'est rien du tout. Mais ce que je veux dire c'est que voilà. Alors, je pense qu'il faut rester entre personnes qui ont un peu la même méthodologie. Il faut essayer d'intégrer d'autres personnes en essayant d'échanger. Mais c'est tellement complexe, tellement tous les niveaux, tous les styles de musulmans, celui qui est laïcard, celui qui est républicain, celui qui est modéré, celui qui est fermé, celui qui est ultra complotiste, celui qui est... Ben voilà. Il y en a trop quoi, trop de groupes, trop de, enfin voilà, trop de personnalités différentes qui s'entretuent chaque jour sur Internet. Et comme je l'ai déjà dit, la Oumma n'a pas besoin de ça. Deuxième chose, le shaitan a réussi à m'avoir et a réussi à avoir beaucoup de personnes. Et il a réussi à nous dévier du chemin droit qui nous a été tracé, celui d'être des musulmans authentiques, des musulmans sincères par rapport à leur démarche, par rapport à leurs intentions, par rapport à leurs pratiques. Aujourd'hui, je sens que j'ai été dévié dans une voie un peu d'égarement, où je suis un peu moins sérieux dans ma pratique. Un peu au niveau de mes intentions, je redoute beaucoup de choses. Facebook est un outil très dangereux, où c'est un peu la recherche du buzz, la recherche de la publication, la recherche de succès. La frontière est infime, hein. C'est toujours le problème. À la fois, on a envie de toucher, on a envie de partager, on a envie de débloquer des nœuds. Des sujets complexes pour faire avancer la Oumma et pour se faire avancer soi-même. Et à la fois, on ressent parfois, je sais pas, moi-même, je ressens des mauvaises intentions, des intentions pas très pures, pas très saines. Donc, il faut que je revoie un certain nombre de choses de ce côté-là. Et le shaitan, peut rapidement nous égarer. Et nous faire emprunter des chemins où on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie, où il y a beaucoup de fitna, beaucoup de choses mauvaises qui se passent. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de ça. Donc, je vais revenir sur sur la voie du Coran et de la Sunna, sur l'apprentissage, sur la remise en question, sur l'humiliation de sa propre âme, de ses propres actes. Enfin voilà, comme un parfait croyant qui a peur d'Allah Azzawajal et qui veut absolument plaire à Allah Azzawajal et pas aux gens. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je conseille toujours aux musulmans de faire attention, bien évidemment, aux disputes, enfin tout ça, quoi. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah nous éprouve pour mieux nous guider. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان العظيم سبحان الله.